Tu es Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. De l'éternité en éternité, tu resteras Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Voilà pourquoi je t'appelle l'incomparable, l'incontournable Dieu, l'unique, le seul. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. L'éternel Dieu des armées. Tuye kugumba melayo e. Tuye kugumba melayo papa. Yonde obongi na kembo. Yonde obongi na kembo. Oh Yahweh. Kobota maka me akokufa na ye kasi onzambe uzanga mbota ma uzanga kufa okokani na moto te kombora yo Elohime incomparable nzambe na belela kazali na bomo Tato la casa libi kamwa Naku imbela ye Naku salela ye Naku sanjula ye Zambe na bele la casa li na bomo Ba oyo balikiara ye babila bi kamwa Naku kumisa Yo, naku sanjula Yo, naku netula Yo Doye kogumba mela yo e Melayo papa Yonde obongina kembo Kembo ezali ya yo Yahweh Netolama Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Nanga, Papa na neto la yote ndengeni, Togumba me la yote ndengeni, Nzambe malamo, Nzambe na bikamwa, Nzambo ya kela biso. Oya sala keto zala Papa Gloire Louange Honneur à toi